Chapitre 11e, viande froide et touffe de thym. 3 jours plus tard, on sonne à ma porte. C'est Louisa, les bras encombrés, mon appareil photo en bandoulière. Tenez, je vous ai apporté le colis pour vos mains. N'ayez crainte, il n'y a rien de fragile. Et puis voilà votre appareil photo. J'espère que je ne les ai pas ratés. Je ne vous ai pas montré comment on faisait pour les voir dans l'appareil. Regardez. Je le mets en marche et lui montre les photos qu'elle a prises sur l'écran LCD à l'arrière de l'appareil. « Ah ben c'est bien » fait-elle satisfaite. « Mais oui. Et dans l'ordinateur, elles sont encore plus grandes et plus belles. Et Fred, qu'est-ce qu'il devient ?»« Il a été à la chasse ce matin. En général, il n'attrape pas grand-chose. Ça lui fait prendre l'air, et à Pampan aussi. » Vers 3 heures de l'après-midi, on sonne de nouveau. J'ouvre ma porte sur Louisa, les traits un peu défaits. « Monsieur Barthes n'est toujours pas revenu. » Habituellement, il rentre avant midi. Je commence à me faire du souci. Il est peut-être tombé. Son portable ne répond pas. Est-ce que vous savez où il va chasser habituellement? Oh, il ne va pas loin. Dans la garrigue, là derrière. Et du doigt, elle montre les collines qui entourent Saussay et la couronne. Écoutez, ne vous affolez pas, Louisa. Il a peut-être décidé d'aller faire des courses après avoir mangé un morceau. Ça ne lui ressemble pas. Il ne l'a jamais fait. Je vais aller faire un tour avec ma voiture. Si je trouve déjà la sienne, il ne sera pas loin. En partant, j'aperçois Mokhtar dans le jardin de Barthes. Par la vitre ouverte, je l'apostrophe. Tu sais où il va chasser, Barthes? Mokhtar me désigne la même direction que Louisa. T'as jamais été avec lui? Si, 2 fois, mais j'aime pas ça. Tant pis, allez, viens avec moi, tu vas me montrer. Après être passé sous le pont de la voie rapide, nous prenons la direction de Saint-Julien, passons l'auberge de la Folie, et à 1 kilomètre environ, nous nous engageons à droite dans un chemin de terre qui serpente dans la colline, Mokhtar et moi tressautant sur les cailloux. Ah, si j'avais encore ma méhari! Au bout d'un près d'un kilomètre, nous parvenons à une aire dépourvue de végétation. Le décor n'est composé que de 4 éléments, la caillasse, les buissons rabougris, le ciel d'un bleu profond et le mistral qui renforcent la sensation de froid et dispersent les bruits. Le 4x4 Mercedes de Fred est garé là. Qu'est-ce qu'il doit foutre? Il a dû se casser une jambe ou avoir un malaise. Mais pourquoi n'a-t-il pas appelé de l'aide avec son portable? Nous tournons autour de la voiture fermée à clé en lançant des appels aux 4 points cardinaux. Soudain, nous entendons un léger tintement, suivi d'un jappement. Pampan court vers nous, la queue frétillante, faisant sonner son grelot. Aussitôt, Mokhtar lui fait fête en lui frictionnant le crâne. « Alors, Pampan, où il est Fred? Amène-nous à Fred. Allez, sois un bon chien. » Tel Rintintin, Pampan se met à gambader en se retournant de temps en temps pour voir si nous le suivons. Il nous conduit ainsi à une dalle de rocher sur laquelle gît un corps, celui de Barthes, à n'en pas douter. Il est allongé sur le dos, sa tête n'est plus qu'une masse rouge informe. Dans sa main gauche, il tient le canon de son fusil dirigé vers le crâne. À première vue, il s'est suicidé en se tirant une décharge en pleine tête. J'appelle tout de suite la gendarmerie en leur indiquant rapidement l'endroit. « Ne touche à rien, Mokhtar. Il faut éviter que le chien lui monte dessus ou le lèche. Enfin, il a déjà dû le faire. » Ensuite, je reste là, hébété, devant ce corps qui me paraît plus grand mort que vivant. Pauvre Fred. Pourquoi avoir choisi une méthode aussi barbare, alors qu'une bonne corde, attachée à un balustre de son salon, aurait bien mieux fait l'affaire, proprement, sans effusion de sang? Tandis que là, sa tête n'est plus qu'une pièce de viande dans laquelle on ne peut reconnaître aucun trait. Comme chaque fois devant un cadavre, je repense à tous ceux que j'ai vus dans ma vie. J'ai honte d'avouer que pour moi, un homme mort n'est plus qu'un amas de matière, devant lequel je suis toujours dans l'incompréhension de la fugacité de la vie. La vue de celui-ci m'est particulièrement pénible, car même si je pressentais que Fred allait mourir, je n'imaginais pas que ce fût ainsi. 10 minutes plus tard, Chavannes et 3 de ses hommes arrivent, ayant pris le parti d'accéder en véhicule jusque-là, au risque de casser une pièce. Sans rien dire, ils nous font signe de reculer, et chacun fait le tour du cadavre, puis se met à investiguer, en laissant son regard aller un peu partout. Il faut qu'on appelle le parquet. Et de toute façon, nous ne pouvons pas le transporter avec ce véhicule. Punaise, il fait pas chaud sur ce plateau. Pendant qu'il continue à fouiner, je retourne à ma bagnole et reviens quelques minutes plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Demande Chavannes. Tu te prends pour un de la scientifique? J'en ai fait mon appareil photo et prends 3 ou 4 photos de Barthes sous des angles différents. T'inquiète, tu seras peut-être bien content de les avoir. Le jour commence à baisser. Il était dépressif ces derniers temps? Pas vraiment, dis-je. mais il me disait qu'il n'avait pas peur de la mort et qu'il ne craignait pas d'être assassiné. Je comprends mieux maintenant s'il avait décidé de se suicider. Pourquoi parlais-tu d'assassinat à son sujet ? Parce que nous avions discuté sur le fait que Maïtena n'était pas forcément visée, mais que c'était peut-être lui qui aurait dû y passer. Il m'avait répondu qu'il le savait, mais qu'il s'en foutait et attendait son heure. Ouais, évidemment, c'est une explication. Eh bien, j'espère qu'il s'est bien suicidé parce que j'ai déjà assez d'une affaire sur les bras. Après tout, c'est peut-être pour expier le meurtre de sa femme, va savoir. Eh ouais, comme ça tout est résolu. Je ne dis rien à Chavannes pour ne pas le perturber. Le pauvre n'en a pas besoin. Mais quand le parquet arrive, suivi d'une équipe scientifique de la gendarmerie, je fais signe à Mokhtar que nous allons prendre la tangente. D'ailleurs, nous commençons sérieusement à nous les cahier. En rentrant, je dépose Mokhtar devant le magasin de pêche près de chez lui, à l'entrée du village. Une fois la voiture au garage, je vais voir Louisa qui m'ouvre sans que j'aie frappé. « Alors ? » fait-elle, anxieuse. « Ma pauvre, qu'est-ce qui lui est arrivé ?»« Il est mort, malheureusement. »« Oh non !» dit-elle en devenant vraiment très pâle. Elle entre dans la cuisine et se laisse tomber sur une chaise. De grosses larmes se mettent à couler sur ses joues. « Vous avez vraiment de la peine, Louisa ?»« Non, enfin, mais c'est pas pour ça. »« Il s'est suicidé d'un coup de fusil. » « Ouais, » dit-elle d'un ton sec en se relevant brusquement. Elle se rend près de l'évier et avale une gorgée d'eau. Je remarque que sa main tremble. Elle en profite pour se passer un peu d'eau sur le visage et le cache une seconde de ses deux mains, comme pour reprendre ses esprits. Vraiment, je n'aurais pas cru qu'elle fût si affectée par la mort de Fred. « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» demande-t-elle. « Pour l'instant, rien. Je pense qu'ils vont peut-être mettre les scellés sur la maison. Bart n'avait pas d'héritier, d'après ce que j'avais compris à l'enterrement de Maïtena. Non, je ne crois pas qu'il lui restait de la famille. En tout cas, il n'en parlait jamais. Alors c'est le notaire qui va s'occuper de tout. Pour l'instant, Louisa, il faut attendre. Qu'est-ce que vous allez faire après que Bart sera ? Je ne sais pas. Peut-être que je retournerai chez ma mère. Et soudain, d'une voix plus assurée mais implorante, « Surtout, ne lui parlez de rien, je vous en supplie. Je lui raconterai tout quand je serai auprès d'elle. Vous partez toujours après-demain ? Ah oui, nous sommes attendus et... Enfin, Bart ne faisait pas partie de la famille. Alors nos amis ne comprendraient pas qu'on leur fasse faux bond. « mon Dieu !» murmure-t-elle. « Pour l'instant, restez là, vous garderez la maison. » De retour chez moi, je profite d'être encore seul pour m'affairer sur mon ordinateur. Gilda n'appréciant guère de me voir planté devant mon écran, muet et quelquefois sourd. Je transfère les photos prises avec mon appareil. Louisa ne s'est pas mal débrouillée pour une débutante. Je visionne ensuite les photos du corps de Bart. Scène de crime, comme ils disent à la télé. Détail qui ne m'avait pas frappé sur le coup, Bart porte des gants. Il tient le fusil de sa main gauche à 30 cm environ de la bouche du canon. Autre détail que je n'avais pas remarqué, sa main droite tient un petit bâtonnet, muni à son extrémité d'un gros clou planté particulièrement. Kezako. Je me mets dans la position de Bart sur le canapé avec un fusil et un bâton imaginaire dans les mains. Ça y est, j'ai compris. Je file chez Bart. Enfin, chez Louisa, maintenant. Louisa, est-ce que Fred avait un autre fusil ? Oui, deux autres. Ils sont dans un râtelier dans son bureau. Je grimpe 4 à 4 et trouve les flingots. Ils sont tous les deux de la même taille. Tout porte à croire que le fusil du suicide l'est aussi. J'en décroche un et redescends au rez-de-chaussée. « Je reviens, » dis-je à Louisa, qui, occupée dans la cuisine, ne m'a pas vu sortir. De retour dans mon salon, je m'assure d'abord que l'arme n'est pas chargée. Il ne s'agirait pas qu'il y ait un deuxième suicide. Puis je m'allonge de nouveau avec le fusil sur le bide. Placé ainsi, il m'est impossible d'atteindre la queue de détente avec la main droite, à moins d'être l'inspecteur Gadget. Il me manque près de 30 cm. Le bâtonnet avait donc pour fonction de pouvoir pousser la détente à l'aide du clou. Quel ingénieux, ce Bart. Il avait bien préparé son suicide. Je me penche de nouveau sur les photos. Le pauvre a pris la décharge sous le menton et la giclée de plomb a littéralement vidé son crâne de toute substance. Pourtant, sur le sol, derrière sa tête, enfin ce qu'il en reste, on ne remarque pas autant de débris de cervelle qu'on pourrait s'y attendre. À moins qu'il ne se soit suicidé debout, auquel cas les débris sont retombés en pluie tout autour. Oui, mais alors, malgré le choc de la décharge, il serait tombé droit en arrière, comme à Santibelli, sans lâcher le fusil ni le bâton. C'est peu probable, mais pas impossible. Très circonspect, à nouveau, je scrute une à une les photos. Soudain, un détail me choque. Par rapport à la main de Bart, qui n'avait pas les mains plus grandes que les miennes, le bâtonnet sur la photo ne doit pas mesurer plus de 20 cm. Or, Bart était plus petit que moi, et ses bras plus courts. Étant donné qu'il me manque plus de 30 cm pour atteindre la détente, je ne vois pas comment Bart y est arrivé avec son petit bâton de 20 cm seulement. Ou alors il aurait fallu qu'il se tire dans les cheveux, qu'il n'avait pas, le pauvre. Ouh, je sens l'embrouille. Maquillage macabre. Imposture maladroite du tueur. Je savais bien qu'il finirait par se faire dégrouper le collègue Fred. Eh ben voilà, la preuve est là, sous mes yeux. Je téléphone illico à Chavannes que j'arrive à joindre à la gendarmerie de Carrie. Oh, collègue, Bart ne s'est pas suicidé, il a été assassiné. Celle-là, je l'attendais, mais elle raconte quand même. Je lui fais part de mes conclusions concernant le bâtonnet et la position dans laquelle Bart a dû être assassiné. Il a été tué alors qu'il était debout. Puis on l'a allongé, placé le fusil dans sa main gauche, le bâtonnet dans la main droite, pendant que ses membres étaient encore souples. « Ouais, ben c'est pas vraiment un scoop, » me répond Chavannes, « parce que le légiste vient de m'appeler. Tu as vu que Bart portait des gants. Eh bien, on a trouvé des petites taches de sang sur les paumes à l'intérieur, ce qui signifie que quand le coup a été tiré, Bart ne tenait pas le fusil, mais il avait peut-être les mains en avant ou en l'air. Ces taches n'auraient pas pu s'y trouver si Bart avait gardé les mains crispées sur le canon. Dans sa précipitation, l'assassin négligeait ce détail. Ajouté à la longueur du bâtonnet, que nous n'avions pas encore remarqué, ça fait désordre dans l'hypothèse du suicide. Ah, tu vois bien? Eh oui, je vois. Je vois que je suis encore dans la mouise. Ils m'auront porté la scoumoune, ces deux-là. Je m'en vais après-demain. Je ne pourrai pas t'aider cette fois. Oh, tu m'aides. Tu m'aides d'une drôle de façon, parce qu'à chaque fois, tu m'enfonces un peu plus. C'est tout de même pas ma faute s'ils se font assassiner. Bon, puisque c'est comme ça, dis merde à thé. De toute façon, je ne sais rien d'autre. Et Louisa? Louisa, elle ne sait rien non plus. Allez, ciao. Dans la soirée, Louis et Paula passent nous voir pour mettre au point les derniers détails de notre périple basque. Je ne résiste pas au plaisir de raconter mes découvertes à Louis. Sous prétexte de chercher un itinéraire sur Internet, je lui montre les photos du corps de Fred. Il la regarde attentivement, goulûment, dirais-je, comme s'il contemplait une beauté fatale ou un plat de cassoulet. « Pourquoi faire le bâton ? » finit-il par dire. « Réfléchis, commandant. » En plus, avec un clou. « Ah, j'y suis. C'est pour appuyer sur la détente. Sinon, avec la longueur du canon, c'est impossible avec la main. Bien vu, Louis. Tu n'as pas perdu l'œil. Seulement, j'ai vérifié avec un des fusils de Fred. Ce bâton est beaucoup trop court. Il aurait fallu qu'il mesure plus de 30 cm au moins. Celui-là ne les fait pas. « C'est sûr. » Je l'informe également des taches retrouvées sur les paumes des gants, preuve irréfutable que Fred ne tenait pas l'arme au départ du coup. « Eh ben, » me dit Louis, « la famille Bart avait des ennemis coriaces. Le pauvre Chavannes va encore en prendre plein la tête. Tu vois, finalement, crois que l'assassin est le même que celui de sa femme. C'est quelqu'un d'intelligent, qui réfléchit, mais qui manque de métier et qui sous-estime les capacités de la gendarmerie ou de la police. C'est un amateur, pour sûr. » Un tueur professionnel aurait zigouillé Fred au volant de sa voiture, et avec sa bonne femme du même coup. Les conclusions de Louis sont toujours d'une logique imparable. Mais qu'est-ce qu'il a dû faire, le Fred, pour mériter ce châtiment, hein, Louis? Qu'il osa, comme tu dis. En tout cas, cette fois, je vois mal Louisa avec un fusil dans la garrigue. J'espère qu'ils vont lui foutre la paix, au moins. Qu'est-ce qu'elle compte faire, maintenant? Je ne sais pas. Peut-être retourner chez sa mère. Nous allons la voir, cette femme? Oui, et Louisa m'a fait promettre de ne rien dire concernant l'assassinat. Le lendemain, dans la Provence, à la page locale, un court article relate le suicide d'un habitant de Saussay-les-Pins, Frédéric Bart, en sérieuse déprime depuis qu'il avait perdu sa femme dans un stupide accident. Le mensonge est quelquefois nécessaire à une bonne stratégie. En allant faire les dernières courses, je passe faire un coucou à la gendarmerie de Carrie. Rien de neuf. Pas de traces d'ADN sur le fusil et le bâtonnet. Le tueur avait certainement des gants, et il n'a pratiquement pas du tout chez Bart. En revanche, dans la voiture de Fred, on a relevé plusieurs traces papillaires. Mais je sais d'avance lesquelles. Les miennes, car j'ai conduit plusieurs fois la voiture de Fred, celle de Louisa, puisqu'elle prenait le 4x4 Mercedes pour aller à Carouf, celle de Mokhtar, qui conduisait souvent à la place de Fred, sans compter celle de Maïtena. Le jour du meurtre, Louisa était à la maison, je peux en attester. Mokhtar dans le jardin a élagué. Cette fois, il faut chercher ailleurs. Tout cela n'avance guère, Chavannes, qui est atterré. En début d'après-midi, je reçois un coup de fil de De Grode. Est-ce que tu veux sauver la vie de Chamil? Tu sais, ton copain qui t'aime bien, avec un bonnet vert. Pouf! Ouais, sa mort n'avancera rien. Et contrairement à ce que croient certains, je n'ai pas la rancune tenace. Ok, alors viens témoigner contre lui pour proxénétisme. Sinon, il faut que je le relâche et je ne donne pas cher de sa peau. Il faut qu'il l'oublie pendant quelque temps. Les Hill, on sait bien de qui il s'agit, mais malheureusement, on ne peut rien prouver contre eux. Et il est aussi difficile de les identifier qu'une ombre dans la nuit.